Hein? Winestorm, épisode 3, punk. Ça part pour 5 minutes. Écoute. Appelle-moi punk, on n'est pas des intimes. J'ai fait mon blaze et moi pour ça je n'ai pas eu besoin de team. J'ai 24 ans, j'ai venu tout grailler dans ce rap game. Mate le cadran en une année, je vais faire péter ma fame. Laisse-les parler, c'est des radoteurs. Tous égarés, je vais les plier, je suis un saboteur. Y'a beaucoup de menteurs, y'a très peu de mecs en place. J'ai vu des crackers, faire du rap ça me dépasse. Moi je vise personne, gars ils se reconnaîtront. Car c'est les mêmes qui parlent de galère, de teuf et de litron. Tu me reconnais, je suis authentique et ça mon pote le sait. Pour décoller, j'ai la technique, elle s'appelle OCB. Un joint de plus ou de moins, je suis déjà sur la lune. Je suis resté tout seul dans mon coin, j'ai aiguisé ma plume. Mais j'oublie pas que la solitude m'a pesé. J'oublierai pas, je pardonne pas tous mes soi-disant refrains. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui voudraient me capter sur les réseaux, des salopes d'Instagram, je suis désolé mais je n'ai pas d'autres mots. Je suis qu'un artiste, mon cœur n'est pas à prendre. Et y'a une longue liste, ça sert à rien d'attendre. Le cœur est lourd et l'âme est presque en peine. Je fais le sourd lorsque l'amour m'appelle. Ouais pardonne-moi ma belle. Je parle à ma tête, je parle à mes démons. La nuit je suis comme en double appel. C'est le bordel, je les vends en porte-jartel. Puisque les sourires sont masqués. Et ce bien avant le Covid. Tout le monde se fuit, comment ça se fait qu'à cette heure-ci les rues soient vides. Vides, un peu comme nos cœurs. Comme le fond de mon regard, je reviens de loin, je ne manque pas de valeur. Je suis pas très fier de mon parcours, je suis pas très fier de ma personne. C'est vrai, je reste fier d'avancer seul. Là où les hommes se trahissent, pour une histoire de papier. Les gens qui s'aiment se haïssent. Et plus personne n'est entier. Je suis dans mon coin, je vois personne, j'ai pas besoin d'équipe. Et je prends soin, pas de ma gueule, mais de cracher mes tripes. Ces derniers temps, j'ai tout lâché pour faire du son, j'ai dû tout sacrifier. De ma famille à toutes mes amitiés. Rémi pourra te le dire, ça fait des mois qu'on charbonne dans le secret. Même si ça pète, ce sera jamais assez, je suis jamais satisfait. J'ai deux fois plus de progrès, ils veulent nous boycotter. On les emmerde, ça fait longtemps que je suis prêt. Bah ouais, pour moi c'est maintenant, parce qu'après c'est trop tard. De prendre mon temps, j'ai pas le temps. L'avenir, c'est ceux qui se couchent tard. Et nique sa mère, ceux qui diront le contraire. Je fais ce que j'ai à faire, c'est vous qui marchez à l'envers. Moi, je suis sur la lune sans avoir fumé. Je travaille ma plume avant la thune, je suis pas auto-tuné. Soit c'est le rap, soit c'est les stupes, va te faire niquer, toi et ton 35 heures. Le soir j'écris, ça part jusqu'à 5 heures. Déterminé, j'ai pas besoin d'eux, mais je ressens le besoin d'amour. La rage et moi, ça fait deux, c'est pour ça que le son est lourd. On a galéré, c'est pas des fables, j'ai dû faire 400 coups. À chaque repas, ce sera des pâtes sans goût. Et j'en ai marre d'entendre du rap français. Toujours les mêmes sujets, les mêmes clichés, les mêmes mensonges à raconter. Ma gueule qui reste entre eux, je suis un bosseur, j'écrirai deux fois plus. Je pète le feu, je vise au-dessus, je suis déjà sur Vénus. J'ai l'impression que le temps passe, plus vite que je le rattrape. Les secondes perdues s'entassent, je les récupère dans le rap. Pop pop pop, c'est le retour du rap français. Pas celui qui fait danser, celui qui pousse à penser. Là je suis lancé, ça part pour 5 minutes. Je suis énervé car ces temps-ci j'ai vu pas mal de putes. Les gens qui regardent de travers, ceux qui t'ignorent totalement. T'es pas content, nique ta mère, je vais pas te parler poliment. Que chacun prenne sa place, pas de débordement. Je suis à la mienne, t'es à la tienne, donc n'essaie pas de montrer les dents. Même la folie ment. Quand la personne manque de cran, tu voulais faire des folies grandes. Tu ferais mieux t'asseoir sagement, ouais. Avec tous les autres dans le coin là-bas. Le rap est mort depuis que Diams a mis la J là-bas. Y'a pas de talent, y'a beaucoup de chance. Et puis le talent, ça se travaille. J'suis dans le milieu depuis l'enfance. Tu peux déjà m'appeler Senpai. Quoi tu bailles, mec? Quand on te parle de faire des loves, j'suis souvent le compte à sec. C'est pas le RSA qui me sauve. C'est chaud, frérot. Car j'ai de l'inspi quand ça va mal. Mais j'suis endormi quand j'vais bien. J'sais plus quoi faire, ma plume s'emballe. J'aurais pu les tuer pour 100 balles. Tellement de rage dans le ventre. Y'a que la fumette qui me calme. J'noircis des pages dans le centre. J'vais pas m'arrêter, j'déborde d'inspi. Ouais, j'suis chaud, sa mère. J'rallume un stick et j'les mets tous à terre. Ça fait 3 jours que je ne dors plus. J'écris, je fume, je bois. C'est vrai, c'est temps si je ne sors plus. Mais je prends confiance en moi. Y'a des gros projets qui se préparent. Je tape dans l'ombre à l'abri des regards. J'ai l'air si sombre et je me tiens à l'écart. Bah ouais, ma gueule, j'ai vite compris que seul on avance mieux. J'suis venu, j'ai vu, j'ai tout pris. J'suis loin d'être un homme pieux. J'voulais gratter un 16, mais c'est parti en vrille. Gros, ton instru, j'la baise. Pour moi, c'est trop facile. Eh, j'suis bien trop fort, il faudrait me boycotter. Tous les rappeurs que j'écoutais m'ont laissé sur le côté. Mon gars, t'es surcoté. Et ton public est aussi vieux que toi. J'te laisse 2 ans et tu fais plus le poids. Épisode 3, je vais faire un classique. Je compte plus les mesures, c'est un carnage, c'est plus de la musique. Non, non. Et tu diras que je suis fantastique. Vu comment je gratte les pages, toute cette inspi, ça devient magique. Mais dis-moi qui peut me snober, ils n'auront qu'à me snober. Écoute ma gueule, t'es bien trop lent, je te vois comme érobé. À quoi ça sert de faire du son si personne ne t'écoute? Pas là pour plaire, je dois faire mes ronds et puis tracer ma route. Eh, je rappe mon vécu, j'ai tellement de choses à dire. Parler de la rue si ça vous chante, j'ai pas besoin de mentir. Plus de 10 grammes, c'est pas des lol. Tu peux demander à Rémi, j'en ai éclaté sur le sol, je n'en dors plus la nuit. J'ai vu du sang sur les murs, j'ai vu du sang sur mes mains. Et c'est toujours aussi dur lorsqu'un poteau s'éteint. Je traîne plus le soir, je reste enfermé chez moi. J'ai même arrêté de boire avant la crise de foie. Ouais je les attends, je suis sur le pied de guerre. Je fais pas semblant quand j'ai les nerfs, pareil que je suis trop déter. Faites-moi du mal, frappez fort, frappez avant que Ben Kane ne se libère pour vous attraper. Windstorm, épisode 3, bang bang.